Chapitre 2. Francis Levison. Carlyle et Lady Isabelle, accompagnés de Pierre et de Wilson, arrivèrent à Boulogne et se rendirent à l'hôtel des Bains. Peut-être n'est-il pas sans intérêt de dire que Pierre, le domestique de Mademoiselle Carlyle, était passé au service de Carlyle depuis que celui-ci était venu s'établir avec sa femme à East Lynne. En descendant à l'hôtel, ils demandèrent si Madame Ducie était visible. On leur apprit qu'il n'allait point venir, et on leur remit une lettre, arrivée le matin même, et dans laquelle cette dame s'excusait d'être obligée, à cause de certaines affaires de famille, de renoncer au voyage qu'elle avait projeté et de se rendre en Allemagne au lieu de venir à Boulogne. Carlyle proposa de mener sa femme à Trouville, mais elle ne voulut pas y consentir. Il se mit à la recherche d'un appartement meublé, car Isabelle se trouvait incommodée par le bruit de l'hôtel. Dans la rue de l'Écu, tout près du port, il finit par découvrir un logement très convenable et ils s'y installèrent sur le champ. Le voyage avait déjà produit de bons effets sur la santé d'Isabelle. Elle avait meilleure mine et se sentait plus forte. Carlyle resta 3 jours auprès de sa femme. Il ne devait tout d'abord passer que quelques heures avec elle, mais il s'était laissé séduire par les distractions que lui offrait la ville et surtout par la joie qu'il éprouvait à contempler le retour parfait de la santé de sa femme. « Je suis décidé à ne pas faire ici de nouvelles connaissances, » s'écria Isabelle en se tournant vers Carlyle, qui se tenait assis à ses côtés, au milieu de la jetée où allait et venait le beau monde. « Vous avez raison, » répondit-il, « cela serait imprudent. Toutefois, il est possible que vous rencontriez ici quelques personnes que vous connaissez. Boulogne est un refuge pour toutes sortes de gens. Il vient ici des familles fort respectables, d'autres qui ne le sont pas du tout. La plupart de ces beaux messieurs que vous voyez passer là, devant nous, ont été obligés de quitter leur pays pour dette. Ils n'oseraient pas retourner en Angleterre. D'autres sont expatriés pour des motifs plus déshonorables encore. Ce qu'il y a de singulier, c'est que plus ces individus se sont montrés malhonnêtes dans leur pays, plus ils ont ici d'aplomb et d'outrecuidance. À peine ont-ils posé le pied sur ce sol étranger que vous les voyez tous prendre audacieusement le chemin du consulat pour annoncer leur arrivée. À les entendre, on s'imaginerait que ce sont des millionnaires et ils posent un homme pieux qui ont mené jusqu'alors une existence digne de celle des Anachorètes. « Comment savez-vous tout cela, Archibald? Vous n'avez jamais vécu en France. » « C'est vrai. Mais en ma qualité d'avoué, j'ai eu plus d'un démêlé avec quelques-uns de ces messieurs. « Voyez Buxton, » continua Carlyle, « regardez-le bien, Isabelle. Il m'a parfaitement vu, mais il ne sait s'il doit passer devant moi ou me tourner le dos. « Lequel est-ce ? » demanda Isabelle, qui avait peine à reconnaître l'homme en question tant la foule était compacte. « Ce grand gaillard, à cheveux blonds, vêtu à la dernière mode, et qui porte en obreloque à sa chaîne de montre. Tenez, il est ma foi décidé à affronter ma présence. À votre aise, mon bon monsieur. Ici, sur la jetée de Boulogne, vous êtes en parfaite sécurité, mais ne vous aventurez pas de l'autre côté de la Manche. Voici sa femme en compagnie d'autres dames. Cette soie, ses rubans qu'elle porte, ses bracelets qui entourent ses bras. Tout cela est le produit de nombreuses escroqueries. Il se donne ici de grands airs. Il singe la haute société anglaise. C'est vraiment un spectacle curieux, et ce serait une étude, tout à la fois intéressante et instructive, que de passer quelque temps derrière les coulisses de cette scène anglo-française. Êtes-vous fatiguée, Isabelle? Un peu. Je m'en irai volontiers. Carlyle se leva. Et offrant le bras à sa femme, tous deux reprirent le chemin de leur demeure. Plus d'un regard se fixa sur eux, tandis qu'ils descendaient la jetée. La présence de Carlyle, si pleine de noblesse et de dignité, semblait attirer l'attention de la foule tout autant que la beauté radieuse d'Isabelle. Le lendemain, à 8 heures, Carlyle s'embarqua pour Folkestone. Avant de partir, il prit à la hâte le déjeuner que lui avait préparé Wilson, puis il se rendit dans la chambre à coucher de sa femme pour lui faire ses adieux. « Au revoir, ma bien-aimée, » lui dit-il en se penchant vers elle pour l'embrasser. « Soignez-vous bien. »« Dites aux enfants que je leur envoie 1000 baisers, » fit-elle à son tour. « Et vous, Archibald, promettez-moi de... »« Quoi ? » demanda-t-il. « Voyons, hâtez-vous, car je vais manquer le bateau. »« Ne pas faire la cour à Barbara pendant mon absence. » reprit-elle d'un ton moitié plaisant, moitié sérieux. Mais son cœur battait avec force. Carlyle ne s'en aperçut point, et il ne vit dans ses paroles qu'une simple boutade, et il s'en alla en riant. s'il avait pu deviner combien cette recommandation de sa femme était sérieuse. Cela lui eût assurément causé une surprise tout aussi grande que si elle lui avait recommandé de ne pas retourner en Angleterre à cheval sur un dromadaire. Isabelle se leva tard et resta longtemps à table, prenant son déjeuner avec indolence. On voyait qu'elle songeait à autre chose. Elle songeait en effet à ce qu'elle allait devenir toute seule, à la manière dont elle allait employer son temps pendant les quelques semaines à venir. Comme la matinée était belle, elle se décida à aller s'asseoir sur la jetée. Il lui fallut marcher seule, cette fois sans le bras de Carlyle pour la soutenir, mais la distance était courte. Elle partit donc suivie de Pierre. Dès qu'elle fut parvenue à la jetée, elle prit un siège et congédia le domestique en lui recommandant de revenir dans une heure. Il n'y avait que peu de monde en ce moment, quelques promeneurs isolés, des familles de deux ou trois personnes qui passaient et repassaient. Isabelle put les examiner tout à l'aise. C'est ainsi qu'elle vit tour à tour défiler devant elle un vieux goutteux en chaussons, trois jeunes filles avec leur gouvernante, puis deux espèces de fats à la mise recherchée le lorgnon à l'œil. À la vue d'Isabelle, ces derniers fixèrent avec affectation leur regard sur elle, mais il y avait en elle quelque chose d'imposant qui les obligea aussitôt à baisser la tête et à continuer leur chemin. Quelques minutes après, elle aperçut, s'avançant vers elle, un homme de noble stature et la démarche pleine d'aisance. Sans le vouloir, ses yeux s'attachèrent sur les siens. Son cœur bondit en elle, elle éprouva comme un soubresaut, et tout son corps se mit à tressaillir. Quel était donc cet inconnu qui la bouleversait ainsi et qui jetait le trouble et le désordre dans son esprit, si calme et si tranquille tout à l'heure? Cet inconnu, c'était l'homme qu'elle avait aimé jadis, celui qu'elle croyait avoir oublié, mais auquel elle pensait toujours, sans s'en douter. Le capitaine Levison s'approchait peu à peu, à pas lents, en suivant la balustrade du côté de la jetée où était assise Isabelle. Ses yeux se fixèrent sur elle, non pas avec la hardiesse effrontée des deux impertinents qui venaient de passer, mais avec une expression de respectueuse admiration. « Quelle charmante fille !» pensa le capitaine en lui-même. « Qui cela peut-il être ?» Tout à coup, il se souvint. Il la reconnut, et s'avançant vers elle, avec un sourire irrésistible sur les lèvres, il lui tendit une main, tandis que de l'autre, il la salua avec empressement. « En vérité, je ne puis me tromper. » C'est bien Lady Isabelle Vane que j'ai l'honneur de rencontrer de nouveau. » Elle lui laissa prendre sa main et répondit à tort et à travers, sans savoir ce qu'elle disait, et comme si son cerveau était en délire. « Je vous fais mille excuses, » continua le capitaine. « J'aurais dû dire Lady, Lady Isabelle Carlyle. Il s'est passé bien du temps depuis que nous ne nous sommes vus, et la joie que je viens d'éprouver en vous revoyant d'une manière si inattendue m'a fait oublier que je n'avais plus le droit de vous appeler du nom d'autrefois. » La rougeur qui avait si subitement pourpré les joues de la jeune femme s'éteignit par degrés. Francis Levison la dévorait du regard. Jamais il n'avait contemplé visage plus rayonnant d'amour. « Et comment se fait-il que vous êtes ici ? » reprit-il en s'asseyant auprès d'elle. « J'ai été malade et on m'a recommandé des bains de mer. Je ne serais point venu si je n'avais cru me trouver ici en compagnie de Madame Ducy. Monsieur Carlyle m'a quitté ce matin. Madame Ducy est aux eaux d'Ems. Je la vois de temps en temps. Mais dites-moi, » ajouta-t-il avec empressement et d'une voix doucereuse, « vous me paraissez en effet très souffrante, très malade. Puis-je vous être bon à quelque chose ?» Elle savait, elle sentait qu'en ce moment elle devait avoir l'air très souffrant, car à l'agitation et à la surprise que lui avait tout d'abord occasionné cette rencontre imprévue, succédait maintenant le remords de s'être laissé émouvoir à tel point par la présence de cet homme. Une pâleur livide avait fait place à la rougeur de tout à l'heure. Il se voyait obligé de reconnaître, pour la première fois depuis son mariage, que les sentiments que lui avait jadis inspirés le capitaine Levison n'étaient pas complètement éteints en son cœur. « Je suis peut-être sortie un peu tôt, ce matin, » fit-elle, comme s'il était préoccupé du désir de lui cacher la vraie cause de son émotion. « Il vaut mieux que je retourne chez moi, » continua-t-elle. « Sans aucun doute, je rencontrerai mon domestique en route. Veuillez m'excuser, capitaine Levison. »« Mais vous n'êtes pas en état d'aller toute seule, » reprit-il. « Vous me permettrez de vous conduire jusqu'à la maison. » Ce disant, il s'empara de sa main et la passa si familièrement sous son bras, comme il avait eu l'habitude de le faire autrefois. Lady Isabelle comprenait qu'elle avait tort de lui permettre de marcher ainsi côte à côte avec elle. mais elle ne savait trop comment s'y prendre pour l'en empêcher. Et d'ailleurs, n'était-il pas en quelque sorte un peu de la famille ? « Y a-t-il longtemps que vous n'avez vu Lady Mountsevant ?» demanda-t-il. « Je l'ai vue ce printemps, lorsque j'étais à Londres avec mon mari. C'est la seule fois que j'ai eu l'occasion de lui parler depuis mon mariage. Nous ne nous écrimons pas. Lord Mountsevant est venu nous rendre visite à Eastline. Je crois qu'ils sont en ce moment à Londres. C'est possible. Voici 10 mois que j'ai quitté l'Angleterre. J'ai demeuré tout ce temps à Paris et je ne suis arrivé ici qu'hier. C'est un long congé que l'on vous a accordé là. Non, pas un congé. J'ai quitté l'armée. J'ai vendu mon brevet. À vous dire vrai, Lady Isabelle, car je ne tiens pas à vous tromper, je suis actuellement dans une assez vilaine position. Mon vieil oncle s'est conduit d'une façon indigne. Il s'est remarié. Oui, je l'ai entendu dire. Il a 73 ans, le malheureux. Ce mariage a mis quelque peu en déroute mes plans et mes projets d'avenir, car il est possible qu'il ait un fils. Mes créanciers n'ont cessé de me persécuter depuis lors. Tant qu'ils ont cru que je serais l'héritier du titre et des domaines de Sir Peter, ils m'ont, avec beaucoup d'empressement, ouvert chez eux un crédit illimité. Mais du jour où ils ont appris par les journaux que Sir Peter s'était marié, plus un sou de crédit, rien que des poursuites et des huissiers à mes trousses. J'ai quitté le régiment et je me suis réfugié à l'étranger. Vous vous êtes enfui loin de vos créanciers. C'était ma seule ressource. Mon oncle se refusait à les payer et s'obstinait à ne pas vouloir augmenter mon revenu. Et maintenant, que comptez-vous faire ? Ce que je compte faire. Voyez-vous ce petit ramoneur qui s'amuse à faire des ricochets en jetant des pierres dans le port ? Tout ce qu'il désire en ce moment, c'est que le sergent Neville le laisse en paix. Demandez-lui ce qu'il compte faire, il vous regardera avec étonnement et il vous répondra probablement qu'il n'en sait rien. Eh bien, c'est comme moi. Mais il est encore possible que vous héritiez des biens de Sir Peter. Oh, cela est bien chanceux. Quand ces vieux beaux se mêlent d'épouser les jeunes filles, vous êtes-vous embrouillé avec Sir Peter ? Interrompit Lady Isabelle. Il le mériterait. Mais à quoi bon ? Une querelle entre lui et moi n'aboutirait qu'à me plonger de plus en plus dans la détresse. Il me couperait les vivres. Nous agissons tous plus ou moins par intérêt et par égoïsme en ce monde. Allez-vous rester longtemps à Boulogne ? Je n'en sais rien. C'est selon le plaisir que j'y trouverai. Paris est une fournaise qui dévore tout, argent et santé. Je suis venu ici pour me reposer et retremper quelque peu mes forces en me plongeant dans la mer. Nous marchons trop vite, peut-être. Oui, vous avez singulièrement redoublé de jambes tout à l'heure lorsque vous parliez du mariage de Sir Peter, fit-elle en plaisantant. Mais je ne le regrette point. Cela me prouve combien je suis maintenant plus forte. La semaine dernière, il ne m'eût pas été possible de vous suivre de la sorte. Il s'arrêta pour la laisser reprendre haleine. Puis se remettant en marche, ils arrivèrent tous deux à la maison. Le capitaine Levison entra sans avoir été invité. Il prit un siège et demeura plus d'un quart d'heure à amuser Isabelle par son bavardage. Lorsqu'il se leva pour prendre congé, il lui demanda comment elle comptait employer son après-midi. « Je vais me reposer, » répondit Isabelle. « Je ne me sens pas encore suffisamment remise pour rester debout toute la journée. » « Si vous décidez à sortir de nouveau un peu plus tard, » reprit-il, « vous me permettrez de veiller sur vous. Je me trouve heureux d'être ici, car vous n'êtes vraiment pas assez bien portante pour vous promener ainsi toute seule. Quand M. Carlyle sera de retour, il me remerciera, j'en suis sûr, des intentions que j'aurais pu vous témoigner. » Qu'avait-elle à répondre ? Rien, absolument. L'offre du capitaine avait été faite d'une voix franche, honnête et respectueuse. Lady Isabelle maîtrisa tant qu'elle put ce qu'elle éprouvait. Elle sentait que l'ancienne passion n'était pas éteinte en son cœur, et elle se fit un devoir de mettre en jeu toute l'énergie de son âme pour la réduire sous son obéissance. Le rouge de la honte montait à son front chaque fois qu'elle se voyait obligée de reconnaître que cet homme lui était encore cher. Elle prit la résolution de ne voir en lui dorénavant qu'un étranger et de ne tolérer de sa part que les civilités banales que l'on se doit entre gens du monde. C'était la meilleure manière d'aggraver le danger. À mesure que s'écoulaient les jours, la santé d'Isabelle s'améliorait. Elle fut bientôt à même d'aller chaque matin faire sa promenade sur le galet, respirer l'air vif de la mer, et contempler les innombrables lames qui moutonnaient et moussaient à ses pieds. Elle ne fit aucune nouvelle connaissance, et quand elle n'était point seule, c'est qu'elle était avec le capitaine Levison. Il la rencontrait souvent sur les bords de la mer. Quelquefois, il allait la prendre chez elle pour l'y accompagner lui-même, et presque toujours, il la reconduisait jusqu'à sa demeure en lui donnant le bras. Un jour, elle se hasarda à lui dire en plaisantant, elle n'aurait pas eu le courage de le dire autrement, qu'elle se sentait maintenant assez forte pour se passer de ses soins et de ses attentions. Lui la regarda d'un air étonné et demanda le motif qui l'entraînait à vouloir ainsi brusquement se débarrasser de lui. Elle ne sut que répondre, quel argument donner, et dans son trouble, elle s'appuya de nouveau sur son bras. Le soir, il se présentait toujours pour la mener à la jetée. Tous deux s'asseyaient l'un à côté de l'autre, mais un peu à l'écart de la foule bruyante. Et tandis qu'il causait seul à seul avec elle, sa voix se faisait douce, ses manières étaient séduisantes, empreintes de cette fascination qu'il savait si bien exercer et que l'on dit si terrible, si dangereuse, aux heures surtout où les rideaux du crépuscule commencent à étendre un vague poétique sur les points de l'horizon. La promenade terminée, il lui souhaitait le bonsoir à sa porte. Elle ne l'invitait jamais à monter chez elle à cette heure de la nuit, et lui-même, à cet égard, se montrait fort réservé et ne se permettait d'entrer que le matin. 15 jours se passèrent de la sorte, et Carlyle annonça à sa femme qu'elle allait arriver à Boulogne. Quel changement merveilleux s'était opéré en si peu de temps dans l'âme d'Isabelle. C'est à peine si elle osait à présent analyser les sensations auxquelles elle était en proie, prêter l'oreille au doux bourdonnement de toutes les émotions de sa jeunesse, qui de nouveau se réveillait en son sein. Le ciel lui paraissait d'un beau bleu d'azur comme le saphir d'Orient. Les verdoyantes prairies et les arbres, émus sous le souffle de la brise, lui semblaient inondés d'une pluie d'émeraude. Et de la moindre des fleurs s'exhalait maintenant un parfum odorant qui portait le trouble dans ses sens. Elle se disait, il est vrai, que ce ciel d'azur, que ces prairies verdoyantes, que ces arbres touffus, que ces fleurs embaumées étaient les mêmes qu'auparavant. Elle savait, il est vrai, que la nature tout entière était ce qu'elle avait toujours été, et que si une transformation s'était si subitement opérée, c'était en elle-même, en son propre cœur, qu'il fallait en chercher la cause. On comprend donc pourquoi elle s'insurgeait contre les pensées nouvelles qui faisaient invasion en son âme, pourquoi elle s'efforçait de fermer l'oreille au murmure de sa conscience. Les sentiments qui la travaillaient si cruellement amenèrent cependant à son visage le coloris et l'embonpoint de la santé. Le soir où devait arriver Carlyle, elle alla devant de lui, accompagnée du capitaine Levison. Dès que Carlyle l'eut aperçu debout et l'attendant dehors de la douane, c'est à peine s'il put la reconnaître. Ses traits n'étaient plus allongés, ses joues étaient pleines et roses, et de ses yeux s'échappaient les lueurs de la joie, du bonheur qu'elle ressentait à le rencontrer de nouveau. « Mais vous êtes complètement changé !» s'écria l'avoué, en accourant vers elle et en pressant avec ardeur ses deux mains dans les siennes. « Oui, je veux mieux, Archibald. Mais en ce moment, vous me voyez un peu ému et surexcité. Nous vous avons entendu ici quelque temps, et le soleil dardait en plein sur nous ses rayons les plus chauds. Le bateau à vapeur est en retard. « Oui, le vent nous était contraire, » répondit Carlyle, tout en se demandant quel pouvait être cet élégant qui chaperonnait sa femme. La figure de Levison ne semblait pas lui être inconnue. « C'est le capitaine Levison, » murmura Lady Isabelle. « Dans une de mes dernières lettres, je vous ai averti de sa présence ici. L'avez-vous oublié ?»« Oui, cela m'était sorti de la mémoire. »« Je suis heureux de m'être trouvé ici, » insista le capitaine, « car cela m'a permis de servir de cavalier à Lady Isabelle dans quelques-unes de ses promenades. » « Je ne sais comment vous témoigner ma gratitude, » ajouta Carlyle avec chaleur. Lady Isabelle s'empara du bras de son mari, et Francis Levison les suivit en marchant auprès de Carlyle. « À vous parler franchement, » murmura ce dernier en se penchant à l'oreille de l'avoué, « je fus véritablement effrayé quand je vis Lady Isabelle. Je crus qu'elle se mourait, et c'est pourquoi je n'ai pas voulu la quitter. « Je suis convaincu qu'elle vous sait gré de ce dévouement, » répondit Carlyle. « Quant à l'amélioration qui s'est produite dans sa santé, cela tient du miracle. Il faut en vérité que l'heure de Boulogne soit bien favorable aux malades. » Isabelle comprenait, bien qu'elle eût voulu se le cacher à elle-même, elle comprenait que ce n'était ni le voyage ni l'air de la mer qui avait ainsi régénéré son cœur et sa physionomie. Mais elle serra avec force le bras de son époux, et ses lèvres murmurèrent intérieurement une prière à Dieu, l'implorant de venir à son aide et de lui donner la force et l'énergie nécessaires pour résister à ce terrible ennemi, à ce démon insidiateur qui cherchait à la faire succomber en rampant perfidement à ses pieds. « Vous ne m'avez encore rien dit des enfants !» s'écria Isabelle au moment où elle et son mari venaient d'entrer dans l'appartement après avoir pris congé du capitaine Levison. « Vous ont-ils dit de m'embrasser ?»« Archie, m'envoie-t-il un baiser ?» Carlyle ne put s'empêcher de sourire. Il n'était pas mère, il n'était qu'un père, et il avait peine à comprendre qu'on exigeât de la part d'un marmot, âgé de 12 mois, l'envoi d'un baiser. « Si vous vous étiez absenté au lieu de moi, je suis convaincu qu'il n'y aurait pas manqué. » Continua Isabelle. « Je lui en aurais plutôt pris un millier sur les lèvres en lui disant que c'était pour son père. »« Eh bien, » interrompit Carlyle en pressant sa femme sur son cœur, « vous n'avez qu'à m'en donner un millier. Je me charge de les lui rapporter. » Le lendemain était un dimanche et Francis Levison fut invité à dîner avec eux. Et c'était la première fois que pareille faveur lui était accordée. Au dessert, lorsque Lady Isabelle se fut retirée, Levison éprouva le besoin de causer ouvertement avec l'avoué et de le mettre au courant de l'embarras dans lequel se trouvaient ses affaires. « Cette expatriation obligatoire commence à me peser lourdement, » fit-il en achevant le récit de ses tourments. « Il m'est impossible de vivre plus longtemps en France. Ne voyez-vous aucun moyen pour moi de retourner en Angleterre ?»« Aucun, » répliqua l'avoué sans hésiter. « À moins cependant que vous ne puissiez satisfaire les créanciers dont vous venez de me parler. » « Ne pensez-vous pas que Sir Peter ne soit disposé à vous venir en aide ?»« Je le crois, si toutefois il m'était possible de lui expliquer sincèrement et franchement ma position. Mais comment arriver à lui ?»« Je lui ai adressé plusieurs lettres, mais il les a laissées toutes sans réponse. Il est vrai qu'en dernier lieu, Lady Levison m'a fait l'honneur de m'écrire. Ce n'était pas un billet doux, je vous en réponds. La lettre était brève et acerbe, et m'apprenait que Sir Peter était malade et ne pouvait pour le moment s'occuper d'affaires d'argent. » « Sa maladie ne peut être grave, » riposta Carlyle, « car je l'ai vu traverser West Lyne dans une calèche découverte, il y a de cela une semaine tout au plus. »« Il devrait me tendre la main, » grommela le capitaine, « ne suis-je pas son héritier, du moins tant que Lady Levison ne lui en aura pas donné un autre pour me supplanter. »« Vous devriez tâcher d'avoir avec lui une entrevue. »« Je le sais, mais situé comme je le suis, cela n'est pas praticable. S'il m'arrivait de mettre les pieds sur le sol anglais, j'aurai aussitôt un tas de recours à mes trousses, et l'on m'arrêterait. Je ne suis pas poltron, et cependant la seule pensée d'être incarcéré dans une prison me fait trembler de la tête aux pieds. C'est peut-être là une particularité de mon idiosyncrasie, une susceptibilité propre à mon tempérament, car ceux qui ont passé par là m'assurent que cela n'est rien, et que l'on s'y fait très vite. Mais il me semble que quelqu'un pourrait se présenter de votre part chez Sir Peter, qui... « Je ne connais personne. Je me suis brouillé avec mes deux avoués Sharp et Steele de Lincoln's Inn. »« Homme de loi très habile, cependant, » suggéra Carlyle. « Oui, beaucoup trop habile pour moi. »« Ah, je les enverrais bien se promener si je le pouvais. Ils m'ont traité d'une façon indigne depuis le mariage de mon oncle. Si jamais je viens hériter des terres de Levison, ils sont morts dans les pouces, soyez-en sûrs. »« Aimeriez-vous que je visse moi-même, Sir Peter ?»« Vous ?» s'écria le capitaine. Tandis que ses yeux noirs brillaient avec ardeur. « Oui, si cela peut vous être agréable. Je me présenterai à lui, non comme votre avoué, mais comme votre ami. Je connais un peu Sir Peter. Mon père était même assez lié avec lui. Si donc je puis vous être utile, je serai heureux de me mettre à votre disposition et de vous prouver ainsi ma reconnaissance pour tous les bons soins dont vous avez entouré ma femme. » Francis Levison exprima à l'avoué toute la gratitude que lui faisait éprouver cette proposition. La perspective, quelque éloignée qu'elle fût, d'être un jour à même de retourner en Angleterre, le comblait de joie. Tandis qu'ils conversaient ainsi familièrement, Lady Isabelle, assise tout près de la fenêtre, dans la pièce voisine, contemplait avec insouciance les habitants de l'endroit qui, vêtus de leurs habits du dimanche, revenaient du port ou s'y rendaient en foule. Elle les regardait sans les voir, car sa pensée était ailleurs, en conférence avec son cœur, qui gémissait sous le poids du remords. Elle se sentait poursuivie par le souvenir du capitaine, par cette fascination irrésistible qu'il exerçait sur elle. En vain s'efforçait-elle de combattre ses sensations. Elle ne le pouvait pas. Et déjà, la voix austère de la conscience se faisait entendre et lui inspirait la plus vive épouvante. Elle eût donné tout au monde pour imposer silence à cette voix. Elle eût volontiers fait le sacrifice d'une partie des jours qui lui restaient à vivre pour briser à tout jamais les liens qui l'attachaient à cet homme, pour ne plus le voir. Mais que l'on n'aille pas mal interpréter le sens attaché à ce mot « épouvante ». Que l'on n'aille pas s'imaginer que Lady Isabelle Carlyle craignait pour elle-même. Non, elle avait la conscience de sa conduite droite, vertueuse et honnête. Et elle était encore aussi sûre d'elle-même qu'il est possible de l'être. en sa qualité d'épouse et de femme chrétienne, elle n'avait pas plus l'idée qu'elle manquerait un jour à ses devoirs, que la terre n'aurait l'idée de se mettre à tourner de l'est à l'ouest. Telle n'était pas la terreur qui l'obsédait. Ce qu'elle redoutait, c'était de se trouver de nouveau en présence de Francis Levison, de se trouver surtout seule à seule avec lui, et de voir se développer ainsi à un tel point ce qu'elle éprouvait déjà pour lui, que son existence à venir en serait désormais assombrie, et qu'il lui faudrait renoncer au bonheur et se couvrir du voile de l'hypocrisie. Mais ce qui par-dessus tout la peinait et l'abreuvait de chagrin, c'était la pensée de la conduite injuste et sournoise qu'elle tenait vis-à-vis de son mari. « Archibald, » fit-elle d'une voix timide en s'adressant à Carlyle, qui était venu s'asseoir à ses côtés après le départ de Levison, « j'ai un service à vous demander. Promettez-moi de ne pas me le refuser. » « De quoi s'agit-il ? » ?»« Je veux une promesse, » insista-t-elle. « Si cela dépend de moi, vous pouvez y compter. » « Eh bien alors, je désire que vous restiez ici avec moi jusqu'au jour fixé pour mon départ. » Carlyle la regarda avec surprise. « Mais vous n'y pensez pas, mon ami. Comment pouvez-vous exiger de moi une chose aussi impossible ? Vous avez donc oublié que c'est le moment des assises. Archibald, il faut que vous restiez. Je le voudrais, mais cela ne se peut, vous le savez, Isabelle. C'est à peine si j'ai pu m'arranger de manière à venir passer ici 2 ou 3 jours. Ainsi, vous partez demain. Nécessité n'a point de loi, mon enfant. » « Alors il faut m'emmener avec vous. »« Non, Isabelle, » ajouta Carlyle en souriant. « Non, je ne vous emmènerai point avec moi, car j'ai la certitude que ce changement d'air vous a fait du bien. J'ai loué cet appartement pour 6 semaines et je ne suis pas disposé à briser le bail. Peut-être même, au contraire, chercherai-je à le prolonger si cela était praticable. Mais je ne puis rester plus longtemps en ces lieux, sans vous, » insista-t-elle, tandis que le sang montait subitement à ses joues. « Pourquoi cela ?» Pourquoi cela ? Comme si vraiment elle pouvait le lui dire. C'est que je me sens toute triste dans cet isolement où vous me laissez. Tel fut le seul argument qu'elle put trouver pour se tirer d'embarras, et sa voix tremblait en prononçant ces paroles, car elle comprenait que Carlyle ne les écouterait point. Et il ne les écouta point, en effet. Il partit le lendemain comme il l'avait arrêté. Au moment de se séparer de Lady Isabelle, il se tourna vers le capitaine qui était à ses côtés, et lui recommanda d'avoir bien soin de sa femme. Il ne se doutait guère alors de l'imprudence qu'il commettait. Et comment aurait-il pu s'en douter ? Avec une âme droite et honnête comme la sienne, il ne pouvait soupçonner le capitaine Levison, et quant à sa femme, sa confiance en elle était tellement grande qu'il l'eût, sans la moindre crainte, abandonnée seule avec lui, ou avec n'importe quel autre, dans l'île la plus déserte et la plus éloignée.